rien, c'est qu'il ne savait pas quoi dire. La douleur, il n'y avait rien. Je ne savais pas quoi dire et je m'en veux.